Bon, nous dans Raboto, nous rencontrons avec un camarade qui c'est un des gens qui était vive et qui était victime tout de massacre qui était fait boy cette là dans Raboto. Est-ce que vous capable rappeler nous ou bien nous a dit ban nous fil histoire qui Jean Bagala te commencé. Bon. Moi c'est Robin Joseph et qui c'est porte-parole adjoint au PDL. Historique qui t'est passé, c'est son bagaille qui est grave. Et son bagaille, mon, même si mon a pu expliquer, mais son bagaille qui va fait mal. Tout. Moi, je me souviens, 18 avril, monsieur Minitaire paraît, il vient de faire Sénaï, son nom. Mais les SAO étaient à la recherche des Cubains, Robin, Dieujis, Abdallah et Nol Prophète. Et tant d'autres. Qui est-ce mon Nexao? Nexao, c'est Minitaire Yoye, mêlé ensemble avec Fouap. Non, et le problème de Mounsao que Minitaire était venu chercher, hein? Et c'est qui est-ce, au problème de Cubain, de Robin, qui est-ce mon monsieur Saoué? Bon, nous c'est militants qui t'ont lutté pour changement, parce que nous n'avons pas voulu, ça que t'as fait là, nous n'avons pas très même. Nous t'es wéqué pour nous lever, camper, quel que soit ça mal pour nous, changement, c'est l'été positif pour nous. Alors, puisque monsieur est venu le 18 avril, qui ça a fait? Bon, 18 avril, les gens paraissent, ils font Sénaï. Sénaï, ils fait, mais c'était dans les bonnets, ils ont fait. Les gens ont commencé à tirer, ils ont tiré. Et puis, dans ce... les gens ont commencé à tirer. Bon, nous-mêmes, nous n'avons pas de chance pour nous retirer quoi, non? Et puis, c'est un grand monde qui dit nous, pendant que nous faisons Sénaï, là, c'est un grand monde qui dit nous consacrer. Si monsieur retire quoi nous parce que nous avons sec que nous en mi-temps. Si nous ne pas retirer quoi nous, on a perdu la vie nous. Et nous avons idéal Kassra, c'est pour le prendre, pour le mettre nous sur place publique et puis pour officier nous simplement. Qui est-ce qui Kassra? Kassra c'est capitaine d'Isri Gonaïve. Eh bien bon, les monsieur et Yovini, c'était Amazon, Walner et puis Saddam et Mena. Militaire yoye et les nèg yo fait sena là et puis nèg yo tombé tiré sur nous pendant ce temps yo tombé tiré sur nous même nous nèg nous replier dans en repos et dans en repos les yo pas prendre yon dans nous même et dans en repos yo prend nous yo mettez nous dans canotte nous jeter con nous donc prend l'ambert pour nous aller les nous fait ça aller mal on côté les Karenise c'est côté là c'est base nous. C'est Karenny, c'est Laratoché et c'est Maximen. Côté ça, depuis nous en danger, c'est là, ils prennent nous, ils mettent nous dans le canot et puis nous allons. Nous faisons ça, nous étions là. Quand le soleil est couché, nous nous retournons encore. Nous faisons ça, nous retournons. Nous parlons de ici, pas de pipirit. Tout le monde crase rail. Et nous avons depuis nous parlons tout, nous n'avons pas besoin qu'on ait petit à la mamelle, il y a bat tout le monde. Tout le monde en bas chapelet. Tu n'as pas besoin de compte quel que soit classe monde ou en bas bois. Il dit que c'est mesdames et ces femmes qui se tirent nous là, qui causent, ils n'ont pas qu'à prendre nous. Parce que c'est mesdames boy ici qui cachent nous. Vous comprenez? Mais comme étant donné nous-mêmes, nous connaissons militants, nous c'est l'itinabilité. Nous connaissons, nous en affaire ensemble avec les militaires. Nous n'avons pas quoi nous laisser les militaires pour poser la patte sur nous. Alors, on parle de l'événement 18 avril, là, mais nous connaissons que le massacre a été fait 22 avril. Alors, qui j'ai un massacre ça a même de commencer? Bon, 22 avril, c'est pendant ce temps nous-mêmes, nous étions là, nous étions capables de faire 6 heures. Mais pour bien d'où, tout ça qu'a fait, tout camion, combien de camions militaires ont venu aider, ils n'ont pas joué de nous. Mais nous toujours dans la base, nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. Nous toujours dit que l'on a besoin de cacher, c'est dans la base pour cacher. Parce que la base nous en raboto, il n'a pas accepté pour nous faire one pop. Si pour nous cacher, c'est là pour nous cacher. Je dis à nous dormir là, demain si Dieu vient nous dormir là, on l'autre côté. Mais les bagages la vie pour nous, c'est dans la rachet nous dormir. Pas de monde qui compte côté nous. 22 avril, là, nous faisons ça nous coucher. Nous coucher, nous abdormons. Donc on est. Nous pas dormi en dans caille parce que nous connaissons et nèg yo derrière nous pour yo prendre nous en dans caille pas pour nous. Et tant nous fait ça nous était 3h du matin et puis nous tendons balle fait kaou. Même dans des notes de balle, fait Kaola et puis il a fini et qui ben souké. Les qui ben souké, qui ben dit oh ben ah, les qui attaquent nous, oui, me dit c'est vrai, il dit oui, me dit comment faire contre ça, il dit moi ça qui me tendez un bruit balle. Et puis me dit mais qui te mettez les oreilles en trompette pour me tendez. Et puis me tendons l'autre bruit balle encore, on y a nous-mêmes nous démarquer. Côté nous y a nous démarquer. Nous prend dehors. Là nous fait ça nous démarquer, nous prend la rue et puis les fini c'est dans mi-temps nous. Là nous commencer séquer nous, nous commencer bail balle. Balle, il y a tiré, tiré, nous-mêmes nous retirer comme nous. Par là, moi Castra, moi ouais Anatan, moi ouais gros homme, moi ouais et capitaine Timo, qui c'est capitaine tactique, moi ouais et Mena, moi ouais et tant d'autres encore, on va rappeler des noms yo. On est bah là passé un peu tard, on va rappeler des noms yo. Moi tout n'est qu'au campé là. Il y a un militaire qui paraît là, il dit Kasra comme ça, qui est balle moins fini, oui, bon, balle encore. Kasra allé, Kasra fou et même, Kasra balle balle, et puis il est fini, il plonge, allé. Kasra lui-même, c'est lui-même qui est responsable ici, là, ou comment? C'est Kasra qui est capitaine d'Isri Gonaïf. Et mais bon, l'air que, next à eux, ils plongé, ils prennent la mer pour eux, et puis, nous avons un militant, un confrère militant, non? Et puis pendant que je suis sorti là, quand on grand monde, il y a les Chérizna qui vont venir dans Kanyang, ils traversent dans le corridor ça là, ils jettent col bon en mer, et puis les fini dans le cercle, dans le cercle, et puis pendant l'an mer, ils prennent courir, et puis les fini dans le bar, ils tirent, ils tirent, et puis les fini, je suis tombé. Mais, pas de nous qui a riposté. Si nous riposté, tout le monde a péri. Nous sommes obligés de nous être bien quelqu'un parce que nous avec t-shirt de bain sous nous simplement parce qu'on est c'est l'emmène à prendre nous pas rien doit mettre rad sous nous nous c'est obligé prendre l'emmène les nèg y a tiré derrière nous pour nous capable sauver la vie nous c'est obligé faire comme si nous mouri tout nous dans gloire nous mouri et puis les fini garçon dans gloire petit monde con grand monde dans gloire pas gain monde qui ca évaluer nombre de monde l'on parle de dans gloire ça veut dire que une fois que militaire est arrivé commencer tirer nous même qui dans zone là nous obligé prendre note la guerre dans la mer pour nous sauver vie nous bon cela veut dire que c'est pas tout monde dans zone là qui prend note pour sauver vie cette fois-ci sous prend note pour prendre la mer pour tant coup c'est dans mog ou al fourri tête ça veut dire bon dès pour prendre la mer ou prend la mer les jouvendea de pour prendre notre ou prend la mer ça veut dire que c'est vie ou al bay ou pas capable mourir même pas des monde qui ca sauver même ça veut dire que gen militaire qui encercle nous à terre et gen militaire qui sous grand notre cap veiller monde cap sauver prend la mer pour retirer corps bon militaire depuis dans les bonnets yo occupé la mer depuis vers 6h du soir depuis vers 6h du soir on connaît et il était fait bon il fait bon nèg yo gen Jean Tatoun, Leximat, yo fou et qui konn lanmè qui prend militaire yo pa kan not nèg yo se nan lanmè yo dormi sou lanmè a yo dormi même avec que yo konn et lè pou y attaquer ya yo dormi sou lanmè a à partir 3h du matin à terre c'est à terre que répond à terre répond avant à terre kaw même et amorcer à terre amorcer et puis lanmè a et militaire qui dans la mer yo répond là yo répond et puis quel que soit monde qui prend la mer ou perdit la vie nous même qui sauver ya c'est pas et pour dire c'est nous même qui sauver et nous même qui sauver ya c'est bon Dieu qui sauver nous parce que Dieu même côté gen bon Dieu gen le même côté bon Dieu avant tout vous comprenez mais gon esprit que ou pas ouais sont pas ouais les deux autour vous comprenez avec dire nous prend toutes nous fait toutes fonchel c'est monde ça qui sauver nous vous comprenez les nèg yo commencer mettre balle sur nous moi même moi prend balle moi dans la mer monsieur lui même qui pas qu'on nager qui c'est yon dans nous même tout qui pas qu'on nager qui dans la mer lui c'est obligé lui dans la mer tout le monde fait comme si au mourir vous comprenez égal son bande mort qui dans de l'eau fort assez intelligent pour monde comprendre que c'est pas mort oui. Est-ce que nous-mêmes qui t'a fait résistance en dans Raboto est-ce que nous t'ai gagné zam nous-mêmes? Si nous t'ai gagné zam nan men non? Puisque yo t'ai attaqué nous, le fait que d'après militaire yo cubain t'ai gon équipe nèg qui t'ai armé, qui t'a fait résistance armée et c'est raison ça que t'a fait que militaire yo vinn attaquer nous nan Raboto. Bon, yo t'ai prétendu nous gagné zam mais nous pas connait nous gain zam. Attendez, pendant toute soir à côté nous là les gars tirer nous même nous dans l'eau. Est-ce que malgré nous coucher dans l'eau nous propose que nous continuer à tirer sur nous toujours? Oui, il y a tirer toujours. Malgré nous dans l'eau, il y a tirer. Les nèg yo a tiré tout monde cap sorti bon ici a qui prend l'an mais égal yo moui deux mesdames ça yo c'est dans caillou yo té yo t'a dormi les nèg yo a démonté porte pour yo prendre garçon égal mesdames yo même compte ces filles yo c'est obligé yo prend l'an mais les mesdames yo prend l'an mais dans l'an mais oui deux mesdames ça yo les yo prend l'an mais dans l'an mais yo prend égal c'est non ni gap y a le fourré tête yo bon côté ticu ben hier journée jodi hein. Et puisque massacre la fête et que il était des monsieur yo pas jamais joindre qui bolier journée jodi a bon journée jodi a qui ben actuellement aux États-Unis ça veut dire que les OTD yo pas de joindre c'est pas des seulement OTD yo était des au moins nous 7 yo pas de joindre non vous comprenez donc même c'est dans 7 là oui moi même c'est moi qui relé Robin Joseph là qui c'est une la donne et élément qui sous côté maintenant que les nol prophète c'est une la dedans tout vous comprenez joindre nous c'est un bagage qui est difficile c'est un bagage qui est facile pour monde ta joindre nous parce que grand pile bagage qui fait militaire ici au fond dal bagage pour ta joindre nous mais c'est pas ton bagage qui facile parce que nous même nous te compte quoi non il pas ca joindre nous oui bon nous constater que vous même ou prend moi marché boîte ou gain béquille est-ce qu'on va expliquer nous dans quelles conditions que vous êtes victime du massacre ça. Pendant que je dormais, et puis à 5 heures du matin, dans un bruit bal, quand je me réveille. Je me réveille, quand je regarde dans un petit tout porte, je regarde, je démonte la porte, et puis je fais mon couche à terre, je fais mon bâton. Quand je me dis, oh, mes amis, quand ça me voit, et tout, et puis je me pète la porte, je me couche l'autre, c'est là, mais je teste la sécurité. Dès que je prends la mer, quand je suis au jeune homme, je suis sauvé. Et pourtant, je suis en sécurité, toute la mer, je ne pas connaître. Quand il y a l'embras pour la mer, il y a un pile chef qui relève, mais les relèves, moi, je prends un dalle, mon attaque à Bayoukou. Quand il y a une vie de paix, je ne suis pas venu. Quand il y a un pile de rentrant dans la mer, je vois où je dis. Je vois l'ambiance, je ne suis pas prendre. Mais quand il y a la chance pour venir, je ne suis pas monté. Pas de monter sur le canot là, et puis, je rentre dans le canot là, et puis, je regarde, je prends un balle là. Mais qui côté t'a prend soin premier soin que tu t'es baou pour pas te mourir qui côté t'es prend là on met dans sous carbone l'hôpital ça on peut te prendre soin ici c'est pas au prince le docteur Pierre lui quand on dans sa opération il va le prendre pour la l'opérer et puis quand on téléphone docteur Pierre lui au cap gain un qui plus grave yo veut reler et pourtant moi même tout les met à nous et puis met à nous prendre, mettre sous machine dans le Port-au-Prince. Mais est-ce que lorsque vous êtes Port-au-Prince, est-ce que vous êtes senti ou en sécurité, malgré que vous êtes naïve, pour aller dans l'hôpital général Port-au-Prince, est-ce que vous êtes en sécurité? Les mouvés Port-au-Prince, sous trois jours, moi, dans le ministère, je n'ai pas de demander comme ça. Vous avez un petit fiole de Bora qui prend balle, mon rabot, qui est lié là. Mais quand pile moule qui connaissait de Bora, il est dans le Port-au-Prince, mais il n'y a pas de nom. Yo dit si fils a couché sous carbone là c'est accident machine il était fait et puis l'aime dans de ça qu'on y a me découvrir avec un drap qu'on y a me prendre drap couvrir toute tête moins net et puis madame te dit c'est ti fils a balle prendre dit comme ça ou qu'on soit fait dans le cabou qui pour là gétan balco machine dans voir les femmes yo dit mes chefs viennent demander pour l'hôpital là et puis là même vraiment vrai me balle $15 machine là et puis il venir de c'est Anne point et puis c'est Anne même tout de suite il prend machine là. Là, le point, et puis l'entrée machin avec moi. Dans ma chambre, fait trois mois machin. Mais chance pour moi, quand je me desserre ma chambre, c'est pas l'hôpital là, c'est quand l'autre monde, il y a les mademoiselles Racinette, c'est Anne Demetem qui fait au papa. Malgré ma chambre, chef fédéral de ma chambre. Ça veut dire que malgré ou prend balle, ou l'hôpital, ou après, ce qu'a sauvé la vie, alors militaire a cherché ou pour t'attirer. Oui, elle cherche pour t'attirer. Mais là, où il vient dans l'hôpital là, ça vous dit exactement. Ça vous dit. On n'y peut pas demander pour Déborah. On s'y fiole Déborah qui prend balle raboto, non qui s'allie là. Mais mon qui t'a occupé maintenant tellement vint paix qu'on y a son l'autre qui crée qui dit qu'on s'est pas gêné mon Déborah qui prend balle dans salle ça. Et puis là même dit quand femme bay ti fia $15 machine pour venir laisser Anne. Bon ou même moi puis on gagne un gros trou là dans tout, on gagne macbal plusieurs côtés dans le corps. Est-ce que ça expliquer nous dans quelles circonstances côté prend bal ça. Yo les Mozan profil. Yo était battement déjà même m'pas rappeler qui était battement étant me coucher. Qu'est-ce que battement? Chef militaire était battement même m'pas connait non yo. Et tant couché qu'on y a un père caille là qu'on y a mal dormi quand l'autre ami et tant caille ami qu'on y a m'tendé à tirer qu'on y a moi toujours pensé l'hôtel pour mander dans te battre première fois bon zone minuit yo te fait mal ou dans carrefour y a battre tout temps y a battre y a fait mouler après c'est yon là de qui dit on ça pas battre c'est en femme ni pas garçon ni pas battre non qu'on y a eu fait mal mais les a fait marcher a eu fait courir pour coup de bâton bon rien. Pour comme ka lâcher qu'on y a mal entré quand voisinage qu'on y a bagaille 22 avril là et tant me coucher mais pas gain monde qui connaît pas gain monde qui connaît pas dedans et parce que les chefs y a vinn font bagaille gain monde qui contendait ou pas dormir dans caille là ou dormir caille l'autre monde monter pi ou même monde pas connaît action ça même qui t'a fait là et tant me coucher qu'on y a m'entendre y a tirer qu'on y a là même me dit Deboa mais a tirer oui Deboa dit menti après me dit tendez après gon filtre te bon côté non vieux petit petit. Nous avons déjà battu qu'on y a même nous vins paix qu'on y a mon selon mais à tes sécurité nous longtemps depuis nous prenons mais nous mettons dit nous sauver nous calaguer quand nous n'avons pas de pays qu'on y a étant entré dans la mer m'couille qu'on y a grand monsieur qui prend ni mettez m'lèl ou m'cané dans la mer li mettez m'dans quand notre là étant dans quand notre là qu'on y a la m'prend balio tout ton balio a entré en dedans jambe même prend bal dans déjà arrêtement c'est ça moi les moi pays a éclaté m'pas connait qu'a passé. Quand il y a gardé trois messieurs qui étaient dans qui était dans la mer quand il a monté il a passé de l'eau dans figue me pas jamais pas qu'on rien cap passé c'est juste après l'aimer quand notre chef là dans la mer quoi que ça il a dit pour tout le monde mettez deux mains en l'air pour tirer yo après gain deux messieurs qui étaient dans notre là même pas reconnaître yo quand il y a deux messieurs même dit comme ça gain deux femmes à bord pour une balle après dit comme ça yo pas mouri après dit comme ça non yo pas mouri non j'ai là après les autres comme ça pour quand notre pas nous avancer sur yo après nous même nous pas de avion c'est mais nous t'a fait comme ça dans la mer et gain un monsieur est entré dans la mer qu'on y a la conduit nous dans la mer pour le s'il était qu'à sauver nous pourtant s'en foudra il allons foudra et tête nous qu'on y a l'air comme ça si yo met avancer sur yo avancer yo fait tout pour mettre deux mains en l'air pour tirer après les au pas sur nous yo fait deux messieurs yo monter quand notre pas yo qu'on y a. Bon, yo juste dit même non pour te laguer dans la mer ça fait pas laguer dans la mer parce que des messieurs yo pas moui qui fait yo fait yon mener nous sous afla les nous rive sous afla qu'on a été dit pour n'al jeune chef sous afio les nous rive sous afla n'al jeune chef sous afio dit vous laguer caca dans de l'eau qu'on a les messieurs ouais ça messieurs à paix son messieurs bombarde messieurs entrer dans la mer messieurs rali quand notre là le mettez nous le mettez nous à bord qu'on a les tout monde ouais c'est nous même qui prend balle là qu'on a yo pour cabra. Yo mette l'hôpital Gonaï, là me coucher l'hôpital Gonaï tout le monde parce que même opération au patron si yo te ka faire opération parce que balio a pas rendre dedans me prend balle la 22 avril 23 avril yo va faire opération répéter l'hôpital là les fini chef yo camper devant porte l'hôpital là mais matin femme yo parler pour femme vinnwo maman malheureuse m'pa gen papa j'ai maman pété maman pa pleve l'ou balé li pa pleve légel pa grand monde li gen 5 petites non men li pa faire commerce li pa grand il pa gen aide. Presque me dit comme ça il m'a demandé pour le bano. Quand il y a là maintenant étant l'hôpital là il fait opé il demande opération pour faire opération pour faire opération $300 il pas gain cob pour faire radiographie $35 il pas gain cob quoi que ça dit ça si me pas faire opération me ca mourir il m'a demandé juste il vient de $250 il bail docteur Pierre Louis pour docteur Pierre Louis. Yo fin bay $35 pour yo faire radiographie, faut yo faire opération. Yo faire opération $300 mais maman pa jwenn tout $300, li bay $250. Comme fin faire opération kon ya m couché, on a souhait kasra voye dem. Lèl voye dem yo vin mande côté ti fi yo rele Oziane qui prend balle là. Après lèl di sa pa gen moun ki prend balle là non, après là dans l'autre salle là. Après gon moun l'hôpital là, l'hôpital général là. Sont bonnes les bonnes la servi avec nous mais sont macout lié nous même nous pas jamais connaissé macout lié non tant mais ou dit des bagages opération qui va faire dans l'hôpital Gonaïve ou bien l'hôpital général Gonaïve là qu'on y a fille à son marque lié moi-même pour nous même l'hôpital nous connaissons un bon monde qu'on y a lui-même lui prend chef là nous découvre puis ensemble avec ton drap blanc il retire drap blanc la montre chef là tout côté me prend balio là pour la être l'hôpital là il téléphone de Castra pour lever l'hôpital là après maman même dans l'hôpital là qu'on y a l'ouest ça maman anti Jean Pêche chef li pè bagay ça depuis le royaume l'esprit parti après li sorti l'hôpital là dans l'autre salle là là l'autre salle qu'on y a là maintenant nous tant de chef là dit ça ou pè et pas madame nan courir madame nan courir comme ça le fait après qu'on y a là dans tout l'hôpital là chercher maman li pa maman moi même dans l'hôpital là m'pa ka faire bé me coucher tout raide c'est homme nan même m'pa ka virer m'pa ka tourner après nous tant de chef là dit ça li ka marcher après bonne là dit ça pa ka faire non côté le coucher c'est un monde qui pour faire toute bagaille pour lui après grand monsieur l'hôpital là qu'on y a monsieur a dit yo mande monsieur ça monsieur a dit c'est cousin monsieur a m'en lever pour yo bon de l'eau c'est tête prend pour yo kembe pour yo bon petit goût de l'eau après monsieur a dit comme ça l'ita oui demain c'est des vestito et journaliste nous yeli donc ça est journaliste li vinn prendre pour mener port presse dans bureau port presse pour yo ka faire parti parce que son jeune petit monde pourtant c'est prendre vinn prendre la l'enfoudraim pour la laguer petit temps hein. Mm-hmm. On y a ces macoutes là, ces filles attendent dedans, on y a les mamans entrées, les gens sont à prendre bois. Parce qu'ils ont foudraillé, mais ils ont foudraillé maman. Ils ont dit que ça a été temps, ils ont pas lagué. Mais après l'événement, ça, ça a été passé. Est-ce que toujours êtes l'hôpital là ou est-ce que. Je l'hôpital là, les mamans ne font rien, les ouvines pour une première fois. On y a la même dans on miss l'hôpital là, mais ça dit comme ça, madame. Depuis petit monde qui prend balle ou pas quitter l'hôpital là, non, c'est levé ou levé. Maman pas un cob, miss l'a prêté maman $10. L'elle voit maman me dit $10 maman même n'a cherché en machine il vient lever mal coton ma tête pendant rentrer dans fumer et tant coton ma tête pendant rentrer dans fumer pied a vienne faire infection pied a vienne pourri qu'on y a grand mère y a brûlé ses Anne qui retine en dedans Paul Cos qui a fait l'école mais la baie ti monde aide et tant coucher qu'on y a mon grand frère mieux les gens au bain qu'on y a là le beaucoup de ses Anne qu'on y a laissé Anne venir garder pied a c'est à dépenser puis à c'est à nous puis à mouton qui a été bagaille blanche qu'on y a c'est à napta et puis à et dans c'est à napta et viande pied qui pas bon qu'on y a les gens ça me pas carré ici et tant les gens ça la vienne chercher me jeudi pour le calme chavin pour le sa docteur coq qui a fait dans pied qu'on y a là maintenant il vient vraiment vrai il vient chercher ensemble avec ton autre monsieur mal marchand et ton marchand qu'on y a docteur a dit ça pour garder quitter l'hôpital là non parce que chef yo il a fait fouille dans tout l'hôpital là qu'on y a l'amener à chercher un petit côté côté mademoiselle Racinette là yo mettem fait 3 mois dans ma l'hôpital beaucoup m'ba l'hôpital là non me fait 3 mois dans caille Racinette là pour yo venir chercher moi me fait 3 opérations dans pied là mademoiselle Racinette c'est an absorti ici site pour aller prendre marchand pour mal pas au près après pour aller mettre marchand pour l'entrée ici qu'on y a mon l'autre opération comme moi faire dans pied à Madjean mercredi am saute pas au prince pied à pas bon pied à trop fond vient dans trop fond et problème là bon moi même qui chita là même me senti me pas parler c'est kembe qui fait me chita ensemble avec pied parce que moi pied tant que son pied s'il pas prend bon soin mon ca perdre pied pratiquement nous tout corps c'est balle toute jambe tout corps les gros tout balle combien balle de retirer dans pied ou dans corps ou après opération ça balle ça yo on prend deux balles dans pied gauche là on prend un balle dans chaque bord cuisse moi ça fait un peu 4 balles gon balle dans deux balles on prend dans pied gauche là qui traverser dans jet pied droite là Rosiane pratiquement jodi on a béquille ou son jeune fille moi ou pratiquement pied a passé moyen est-ce que comment sent aujourd'hui hein, après bagaille ça ah m'ba senti bien même quand il y a la côte c'est à nan bralé pour me connaître s'il capable pas pour ça même parce pia pas bon même fait mal là ou un problème qui a mais moun qui t'est tiré ou moun qui t'est fait action pas trouvé reconnaître youn là pas reconnaître parce que c'est couché c'est pem couché en dedans fond quand l'autre là yo y a si men bal yo son alors samedi qu'on y a m'daré mais mandé monsieur lui même qui t'est youn nan moun que t'as cherché. Alors parmi sept nèg que t'as cherché avec petit cubain d'autres nèg yo puisque c'est un nan moun que t'as cherché qui gens ou même ou t'es vive événement ça puisque ou t'es un nan moun qui t'es obligé laguer col dans la mer pour te sauver. Bon, bien entendu, moi même c'est prophète Enol. Bon. Nous même pour nous même c'est bon Dieu qui mettait nous dehors. Parce que ça que fait me dit ça parce que nous sept ça en parlant de cubain qui t'a la tête et Jégis et Robin, Fito, Bité, avec Abdallah. Bon, ça pas dit pour autant que capable bien gon l'autre événement encore qui arrive même genre tant que même les que nous même ça nous c'est sibir événement qui pas capable bien gote événement qui rivé mais pour nous même pour ça nous passer bon bien quoi fok pour nous taper à l'aise fok c'est président même qui peut acheter en face nous parce que nous passer trop misère et bien entendu nous toujours appliquer parce que nous connaît pays d'Haïti beaucoup clair fok nous nité sakaba regardez jouement ça que ça même qui côté nous commence à attaquer nous d'abord est-ce que ça dans caï nous est-ce que qui côté exactement nous commence victime principalement bon négio et fait ça là à 2h du matin yo fait ça là nous pas comme ça nous dans mi-temps ça là mais négio gagne pour attaquer à 3h 4h pour attaquer mais pour nous même il y a quelques monde qui dit nous gon ça mais nous connaissons c'est matin yo connaissons ça caillou nous pas croire c'est dans l'ça on ça capable de faire. Et si nous devons finir ça, c'est qu'il y a grand pile monde qui va mourir. Parce que nous avons pris dans le risque, parce que nous-mêmes nous avons pris dans le risque. Regardez, grand pile monde qui essaie de chiffrer combien de monde qui mourit, des choses comme ça, parce que vous parlez de grand pile monde qui mourit dans la mer, des choses qui mourit retiré dans le camp, tout ça. Est-ce que nous avons un chiffre combien de monde, par exemple, pour ça, qui mourit dans le massacre? Bon, bien entendu, nous ne sommes pas capables de respecter les gens qui mourent. Parce que grand pile monde qui mourit. Je veux dire, pour nous-mêmes, bon, il y a des gens là. Oui, il y a des gens là. Bon, on a cherché dans un an, nous ne pouvons pas. Parce que les gens même, les gens qui ont fait un petit gratte en terre, ils mettent un chien mini, un chien angéli, ou bien un cochon mini, ils mangent. Bon, nous ne pouvons pas raconter qui est sexiste. Nous même, nous ne pouvons pas dans un an. Nous venons sauver, je veux dire, c'est bon mon Dieu qui fait nous sauver, peut-être nous-mêmes. Après le massacre fin fait, les gens fin mourir, combien de temps nous prend avant nous réussir? Les gens commencent à circuler dans la zone, nous-mêmes qui sommes dans la maison, combien de temps nous prenons pour nous arriver à retourner dans la boto? Bon, nous prenons plus de mois. Parce que même les gens qui sont pas derrière, les gens qui fait 3 à 4 mois derrière qui sont caillou. Et même les gens qui ont fait un pile de bagaille. Ils ont fait un petit cochon, voler passer au point, ils ont fait un bagaille dans le caillou, les gens qui ont fait un caillou libre. Ça, c'est un habitable, ça, c'est un Michel Dé. Mais comme ça, les vins viennent comme ça. Il n'y a pas rien à la donne. Comme si non seulement les gens tuent, les gens volent, tout le monde. Ils font pile bas avec malhonnête. Dans la zone. Est-ce que vous-même avez fait la caille ou vous n'avez pas fait? Oui, c'est la caille et Oziane pour filter dormi. Moi-même, j'ai dormi la caille. Juste là, nous avons gardé, moi j'ai fait des battements. Et puis j'ai mis mon couchage, j'ai crasé la caille. Juste là, j'ai couru, j'ai laissé la porte là tout ouvert. Quand il y a même 150 dollars m'te quitté en bazorien c'est avec m'te qu'on fait promesse bout de mer m'te quitté en bazorien bon l'aime coucher jusqu'à mon hôpital là là ça porte pas grand grand monde qui ca venir boire ici là que gain commencé grand série de monde qui ca venir boire ici l'aime voyer papa venir chercher le point papa m'barrel moi même m'abdou ça c'est Robert qui parle là nous ils vont point s'arrêter fait nous mal en pile. Pour qui ça me dit ça fait nous mal? M'koué. Nous gagnons 3 ans depuis notre bataille. Nous commençons la bataille depuis 29 octobre 91. Vous comprenez? En partant depuis 29 octobre, nous avons gagné 4 monde qui est militaire fusillé. Vous comprenez? Bon ici à l'occurrence Elicien Dazmé et Jean-Pierre Dazmé, Fred Cheriska. Et puis Franz Moïse. En partant, nous avons perdu 4 garçons vaillants. Ça, c'est yon toujours. Pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter bois croisé, garder les gens des bagages au cap fait. Nous continuons ensemble avec la lutte là. Et tout le monde, ce sont des militants qui n'ont pas nous cap lutter. Nous avons 4 à 0 sur nous. Or, au dernier moment, le nombre de monde qui mourent, quel que soit le monde qui doit, il a évalué le nombre de monde qui mourent. Il y a 10 personnes, ce n'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de monde qui connaît. Nous-mêmes qui sommes dans la mer, nous n'avons pas qu'à bon effectif là. Parce que je dis à nous lever, nous avons 5 personnes dans la mer, en où elle prend, gratter terre, mettez-le. Demain, si Dieu veut suite, ensuite, comme ça, chaque jour, comme ça. Ou après, aller combien de semaines, comme ça. Il y a des gens qui évaluent le nombre de monde. Ça crée des phénomènes mal. Puisque nous t'applité, ça gagne, bon, moi, Aristide Paul gagne 4 mois depuis le vini. Nous pouvons joindre un monde qui dans gouvernement Aristide qui dit comme ça que quitter yo mener enquête bon ici pour connaître monsieur qui t'a plité yo et comment yo et monde qui victime yo pour t'apparaître côté parents yo pour ta connaître qui ça yo fait qui ça yo décidé à monde ça yo qui ça yo pas décidé à monde ça yo. Ça veut dire que pour moi même nous déjà qualifié comme si monde qui t'a plité yo sont pas qu'un individu que yo yé. Moi même c'est ça moi même ben c'est ça que moi même m'imaginer si c'est réellement vrai comme si nous t'a fait toute gros bagarre nous t'a fait si Aristide retourné faut gagner enquête qui t'a mené faut gagner monde qui t'a sorti au sein du gouvernement pour qu'il t'a venir demander nous qui ça qui passé qui ça pas passé oh jusqu'à présent nous pas rien rien donc nous même ça qui était clair pour nous c'est que nous pas demander pour te ba non l'argent mais nous t'a remé gon enquête qui vient faire pour te ca identifier et puis river poser la patte sur monde qui était auteur massacre ça bon directement soit dit c'est dans réalité à que nous y est.